calme brave, l'homme qui prend le pas. Sur le drapeau à la France entière, ils ont juré qu'on ne passe pas. Qui n'a jamais peur de rien, sur l'escalier, c'est son nom.